Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marc-Antoine Lebré. Salut Marc-Antoine, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un honneur de t'avoir dans le podcast. Merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment cool d'avoir des talents différents et tout. J'ai déjà eu beaucoup de stand-uppers, tout ça. Et puis, en imitateur, je pense que tu dois être le troisième sur plus de 200 invités. D'accord. Voilà. Écoute, voilà. Il y a très eu, heureux. Vraiment, c'est nous qui sommes enchantés de pouvoir t'écouter, les auditeurs et moi. Il y a eu tout d'abord Sandrine Alexis, Didi Gustin et maintenant toi. Ok. Super. Et donc, justement, au cours de ta carrière, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, bien sûr. J'en ai une. C'était presque, je ne vais pas dire mes débuts, mais voilà, quand je commençais, j'ai fait un spectacle pour une entreprise privée. Mmh. Et en me rendant à l'événement avec un régisseur, on était en train de se remémorer toutes les galères qu'on avait pu avoir sans imaginer qu'on allait se retrouver dans la plus grosse galère, on va dire, de ma carrière, et pour le moment, du moins. Et c'était juste dingue, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le public était très alcoolisé, mais très, très, très alcoolisé. Grand et, classique. Je suis monté sur scène, donc personne n'écoutait, absolument personne n'écoutait, comme s'il ne s'était rien passé entre le moment où il y a eu un noir dans la salle, la musique, et que je suis rentré sur scène, c'est-à-dire que les gens, enfin vraiment, il ne s'est rien passé. Donc je me suis carrément arrêté, et j'ai dit au micro, désolé, en fait, mais en fait, là, je suis en train de faire un spectacle. Donc déjà, le truc complètement dingue, lunaire. Donc ils ont commencé un peu, tranquillement, un peu à se taire, mais il y en a d'autres qui continuent à parler, c'était juste dingue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'organisateur de la soirée, le souci, c'est qu'il était encore plus bourré que les gens dans la salle. Et il s'est levé au milieu de mon spectacle. Alors, j'ai abrégé le spectacle, hein. Je devais faire, je crois, une heure, et j'ai dû faire 20 minutes. Hein. C'était honteux, quoi. Et il se lève dans la salle, et il se rapproche de la scène. Donc là, je me dis, mais je regarde mon régisseur dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc les gens le regardent, il passe devant la scène, il monte sur la scène. Donc là, je dis, mais c'est pas possible, comment que je m'arrête? Et il remet juste un tout petit bout de rideau en place, qui n'avait rien, le rideau. Hein. Il a remis le rideau un petit peu en place, et il est reparti s'asseoir. génial! Ah, mais c'était complètement lunaire. Donc je me suis arrêté, et j'ai regardé mon régisseur, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et si. Alors, c'est marrant parce que lui, donc, qui était l'organisateur, hein, donc normalement, c'était lui le garant du déroulement. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que le public entier qui n'écoute pas et qui est bourré, qui fait du bruit, qui prête aucune attention à l'artiste, ça ne le dérange pas. Par contre, un mini bout de rideau qui dépasse, là, par contre... Voilà, tout à fait. Donc, c'est ça qui était lunaire, quoi. Et par-dessus tout, à la fin de mon intervention, il y a une personne dans la salle qui s'est mise à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Trop alcoolisé, certainement, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et là, je me suis dit, ok, je suis chez les fous, quoi. Je suis chez les fous. Voilà, donc c'était une belle anecdote, je pense. Là, c'est magnifique. J'avoue que quelqu'un qui pleure... Tu sais, si tu fais pleurer quelqu'un de rire, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Ouais. Si la personne pleure parce qu'elle a reçu une nouvelle, machin, bon, on peut le comprendre. Mais là, sans aucune raison, je ne sais pas, tu n'avais pas touché au rideau. Non. Je pense que... J'ai pas touché au rideau. Ah ouais, je pense que quand tu vois le comportement du mec avec le rideau, tu t'en écartes. Ah tu ouais, sais, non, tu dis non, je ne le touche même pas parce que ça doit être une espèce de rite ici. Si tu touches le rideau, tu vois, il faut le remettre en place ou j'en sais rien. Et du coup, tu n'as jamais eu le fin mot de l'histoire. Tu ne sais pas pourquoi elle a pleuré. Ah non, je ne sais pas. Trop d'alcool, je pense que ça doit être une personne qui a dû ressasser des choses dans sa tête. Je ne sais pas. Parce que, voilà. Oui. En fait, ouais, l'alcool a dû, faire penser à des trucs et tout. Mais C'était une personne qui était triste de ne pas avoir vu le spectacle dans des bonnes conditions. Mais c'est lunaire, quoi. C'est vraiment lunaire. Pardon? Certainement que le lendemain, les gens étaient tellement bourrés que je pense qu'ils ne... Je ne sais même pas s'ils étaient au courant qu'il y avait un spectacle, quoi, vu dans l'état dans lequel ils étaient, quoi. Ça doit être marrant, tu sais, les mecs aujourd'hui qui regardent leur télé, qui disent « Mais ce gars-là que je vois à la télé, je ne sais pas pourquoi il me dit quelque chose. Ouais. » Je le vois lui, je vois des rideaux et une femme qui pleure. J'arrive pas à relier le... Ouais. Oh là là. Et tu sais quoi, ben, si ça se trouve, comme tu le disais, voilà, c'est, elle était triste peut-être par rapport au mauvais déroulement du spectacle. Imagine, c'était peut-être ta seule fan à ce moment-là, hein, parce que maintenant, Ouais. bien sûr, c'est autre chose. C'était peut-être ta seule fan et elle pleurait de n'avoir eu que 20 minutes. Mais en fait, c'était même pas, je faisais même pas à cette époque-là de télé encore ni de radio, donc j'étais complètement anonyme. D'accord. Mais donc c'est, et puis après, c'est vrai que dans les événements privés comme ça, généralement les gens viennent pas pour me voir. Parfois, ils sont pas forcément fans des artistes présents. Mais là, on était au-delà de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plus de Il n'y avait plus de barrière, quoi. On avait l'impression d'être en fin de soirée dans l'anniversaire qui a mal tourné d'un copain quand on était au lycée, quoi. Donc c'était alors j'avais des personnes qui étaient adultes face à moi. Enfin, c'était. Ouais. Ah bah je compatis, hein. Mais c'était quoi? C'était un comité d'entreprise? Oui, c'était un comité d'entreprise. Ouais, tout Ah à mais fait. c'est ça le problème. Les comités d'entreprise, tu vois, les spectacles corporatifs et tout, c'est vraiment très, très, très, très, très compliqué. Je sais que tous ceux qui sont passés par le podcast et qui m'ont raconté des anecdotes là-dessus, ils m'ont dit que c'était très, très dur parce qu'en fait, les gens, ils s'en fichent complètement de ce qui se passe. Et surtout, il y a une erreur souvent. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas avec toi, mais très souvent, le patron, voulant leur faire plaisir, leur dit, il y aura une surprise. C'est-à-dire, je vous ramène un humoriste, mais c'est une surprise. Et ils disent pas le nom. Et du coup, les gens mettent des attentes. Tu vois, ils s'attendent à voir débarquer Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze. Et malheureusement, ils voient débarquer quelqu'un qui n'a pas de couverture médiatique pour le moment. Donc, bah, évidemment qu'ils sont déçus. Et même au-delà de ça, même Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze ou Ilyes Semoun ou n'importe qui va dans les corpos, parce qu'on sait qu'ils y vont encore, évidemment, ils se font grassement payer, ils ont totalement raison, hein, je les soutiens totalement là-dedans. Je veux dire, même eux, quand ils y vont, je suis sûr qu'ils n'arrivent pas à voir la totalité de la salle. Ils sont limite pris en otage. C'est des gens qui sont là parce que le patron leur a demandé d'être là. Ce qui les intéresse plus, c'est le homard et le champagne et pas le mec sur scène, quoi. Après, il y a de tout, hein, parce qu'il y a des événements qui se passent très très bien. Après, il faut savoir s'adapter, en fait, c'est surtout ça, quoi. Il faut s'adapter au public et puis voilà, parler beaucoup d'eux, quoi. C'est ça qui marche. Donc ça, après, Oui, c'est quelque chose oui, qu'il oui. faut et qu'il faut adapter. Mais en revanche, là, c'était un autre problème. Les gens étaient trop alcoolisés, donc c'est encore un autre problème. Ça m'est arrivé aussi sur scène Ouais. dans un cabaret où là, c'était pareil, c'était à mes débuts. Il y avait une personne qui en plein milieu, mais elle n'était même pas forcément très alcoolisée. Hein. Son téléphone a sonné en plein milieu d'un sketch et il a répondu, tout simplement. Il a pris son téléphone et il a répondu: Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, bah, J'espère que tu as eu la décence, Marc-Antoine, quand même, de baisser un petit peu ton volume sur scène, toi. Ouais, Ça va? je me Tu suis l'as mis en laissé parler silencieux. correctement? Ouais, Je me voilà, suis oui, mis tu en t'es mis en... silencieux. Oui, contrairement à son téléphone, oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que ça, je commençais, donc je n'avais pas encore assez de répartie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Ah, et du ça coup, tu as devient un réagi mec. comment? T'as Ça m'est juste... arrivé depuis, mais je ne sais plus Ouais. ce que j'ai dit. J'ai dû dire quelque chose. Hein. Je vais dire: Ah, d'accord, donc on téléphone tranquillement sur scène. Mais c'est vrai Ah. qu'aujourd'hui, si ça arrive, je dégomme. Et Est-ce que ce ne voilà. serait pas le moment de retourner dans la même entreprise dans laquelle tu as été, tu vois, et de les dégommer si jamais ils osent bouger une oreille pendant ton spectacle? Non, je m'en souviens même plus, je sais même plus où c'était. C'était il y a plus de 10 ans, je sais même plus où c'était. En revanche, je sais que ça m'est arrivé pour des SMS, parfois des gens qui avaient un téléphone ou avec eux. Donc là, ça m'est arrivé dans la salle d'aller les voir et de prendre leur téléphone, d'appeler la personne en disant: Voilà, il y a un spectacle et tout, donc évite d'envoyer des textos. Ça m'est arrivé. Et comment ça réagit dans ces cas-là? Non, c'est drôle, c'est hyper marrant parce que du coup, ça implique les gens et c'est génial. C'est plus sympa, c'est différent de répondre à un téléphone plutôt que de regarder son téléphone de 30 secondes, voilà, parce qu'il a Ouais, sonné, ouais, quoi. ouais. C'est autre chose. Ben après, ouais, le seul souci, et c'est déjà arrivé à quelques humoristes, c'est malheureusement quand la personne échange des SMS sur une situation dramatique, quoi. Ouais, Tu vois? oui, par contre, ouais. Voilà, moi je sais qu'une fois j'ai joué à Montluçon, j'avais quatre personnes dans la salle, hein, sois pas jaloux de mon succès. Et donc, sur les quatre, tu sais, forcément, il se passe n'importe quoi, tu le vois. Il n'y a pas 400 personnes, il y en a quatre. Tu vois, donc voilà. Et je voyais des SMS, et j'ai été gentil. Tu vois, moi, je suis un gros nounours, autant physiquement que dans l'esprit. Donc, du coup, j'ai été vraiment gentil. Tu vois, j'ai fait, tu veux que je t'aide? Je sais pas, je dis, enfin, j'ai dû dire un truc du style, est-ce que tu veux que j'écrive pour toi ou un truc comme ça? Tu vois, je te dérange pas trop. Et après, elle m'a expliqué que, enfin, bah, elle m'a pas donné le détail, mais elle m'a dit en gros, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer là. Et j'ai dit, ok, moi j'ai changé de couleur, je suis devenu tout blanc. Tu sais, et je dis, Je dis, ça va aller, t'es sûr? Tu sais, j'étais passé de l'humoriste qui voulait la tailler au mec le plus, genre, comment dire, avec le plus de sollicitude au monde, tu vois. Ça va aller, la personne, ça va, t'es sûr? Et elle me regarde et elle me fait, genre, ça va pas aller, quoi. Et j'ai dû lui dire un truc du style, écoute, si tu dois partir, pars, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que j'ai perdu 25% de ma salle. Ouais. Là, c'était assez violent. Et on a fini à 3. Allez, show must go on. Ouais. T'as déjà eu des gens dans ta salle qui ont quitté la salle parce que t'as été un peu trop fort sur une vanne ou un truc Ça m'est arrivé, ouais. C'est rare, mais ça m'est quand même arrivé. Ouais, ouais. Sûrement peut-être dans les centres culturels, peut-être des gens qui ne savaient pas vraiment ce que je faisais. Ça m'est arrivé une ou deux fois, effectivement, il y a une ou deux personnes. Après, je ne sais jamais s'ils sont partis parce qu'ils étaient choqués ou pas. Hein. Peut-être qu'ils leur arrivait un malaise ou pas. Hein. Parfois, c'est... Donc, je ne peux pas vraiment savoir ça. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais ça m'est arrivé de voir des gens, une ou deux personnes qui étaient là, ça, effectivement. D'accord. Ouais, après, voilà, ça arrive, hein, malheureusement. Mais bon, c'est le spectacle vivant, c'est ça. Tu n'as pas les gens, que tu vas choisir, toi. Tu n'as pas l'ambiance ou le taux d'alcoolémie que tu souhaiterais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est compliqué, tu vois. D'ailleurs, sur ta première anecdote, est-ce que c'était pas... Alors, ce n'est pas ta faute, hein, évidemment. Hein, c'est plus l'organisateur. Mais je trouve que dans ces cas-là, c'est plus une erreur de timing. C'est-à-dire qu'au lieu de servir la bouffe aux gens et l'alcool, ils devraient leur servir le spectacle d'abord. Ouais, mais je pense que peu importe l'heure, à mon avis, ça a commencé très tôt l'apéro, quoi. Donc, ils étaient venus déjà armés, quoi. Ah ouais, dans les deux cas, à mon avis, c'était très compliqué, quoi. D'accord. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est toujours hyper difficile quand même à gérer, quoi, parce que là, c'est un moment de solitude absolue, quoi. Mais franchement, je compatis parce que on l'a tous vécu, ça, et malheureusement, tu peux pas, tu sais, si t'es un peu trop sec sur scène et tu dis aux gens, bon, maintenant vous m'écoutez, c'est bon, fermez vos gueules et tout, ah là, tu vas t'assurer une ambiance glaciale pour tout le reste de l'heure. Ouais, ouais, c'est sûr. J'avais pris la parole, j'avais dit, voilà, je suis désolé, excusez-moi, j'ai un spectacle. Déjà, c'est tellement lunaire de dire ça, quoi. Quand t'es obligé de le préciser, c'est mauvais signe, ouais. Si, s'il vous plaît, si on peut avoir un petit peu de silence, enfin. Mais il y a un peu de silence, puis ça repart. Parce que voilà, quand t'as trop d'alcool, tu sais plus où t'es, quoi. Tu sais plus ce que tu fais. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'est l'alcool qui parle, hein, c'est plus les gens. Hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Et du coup, t'en as vécu d'autres, des anecdotes comme ça, des trucs un petit peu marquants pendant tes spectacles ou pendant des prestations, je sais pas si t'as joué par exemple sur des plateaux ou... Non, ça m'est arrivé d'avoir une autre personne alcoolisée, deux personnes alcoolisées dans la salle. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas vraiment eu de chance parce qu'il y a toujours une personne qui gère la sécurité et forcément, à ce moment-là, il était sorti. Et ça, c'est vraiment pas de bol, quoi, alors qu'il était tout le temps là. Uh-huh. Et d'un coup, j'ai deux personnes ivres dans la salle et qui se mettent à parler fort ou à réagir. Uh-huh. Et là, le problème, c'est qu'avec, encore une fois, voilà, avec des personnes alcoolisées, c'est toujours très compliqué de faire de l'humour parce qu'ils le prennent mal, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et ça embête tout le monde et ça gêne tout le monde. Donc... On ne peut pas rivaliser avec une personne alcoolique qui a réagi complètement à l'inverse de ce qui est en train de se passer et ça devient rapidement une gêne. Oui, et là, c'est ça le problème. Dire, mais où il est passé, le mec de la sécu, où il est passé dans ma tête. Et j'étais en train de dire, il va falloir sortir en fait maintenant. Et il ne sortait pas. Et mon régisseur est parti. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. Il a envoyé un SMS. Il est parti et il a envoyé un texto. Et puis finalement, il est arrivé après. Mais c'est vrai que ça a été 5 minutes ou je ne sais plus, peut-être plus même. Ça a été 10 minutes interminables pour les gens et pour moi. À la fin, tout le monde a applaudi. Quoi. Quand ils sont sortis, on a applaudi. Quoi. D'accord. Et sinon, l'agent de sécurité a été viré le soir même ou le lendemain ? Non. Non, il devait gérer une autre salle en même temps. Enfin, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais tu sais quoi, si ça se trouve, ils ont attendu qu'ils se barrent pour se manifester. Ouais. Ah, parce que le mec bourré est très sournois quand même. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est compliqué parce que là, c'était des gens qui avaient payé leur place, quoi. Deux personnes qui avaient payé leur place, qui ont dû abuser un peu avant. Et Voilà quoi, c'est difficile, difficile Ah, mais pour tout le monde. ben, c'est le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne savent pas doser. Tu sais, tu as envie de leur dire, oui, faites-vous plaisir, mettez-vous dans de bonnes conditions, mais vous bourrez pas la gueule, quoi. Ouais. En plus, c'est idiot, parce que vous avez payé votre entrée, vous allez rien comprendre à ce qui va se passer. Et Pour moi, ouais. c'est de l'argent jeté par les fenêtres, quoi, tu vois. Et surtout, vous allez vous faire virer. Et aussi, ah oui, aussi. Alors après, quand même, j'estime que ça va, ça s'est bien passé au final, parce que 10 minutes à souffrir, bon, ça a dû être interminable, hein, je suis totalement d'accord, parce que le temps sur scène est vraiment se dilate jusqu'à l'infini, tu vois. 10 minutes sur scène, c'est interminable, ça, je comprends tout à fait. Mais au final, tu as réussi quand même à obtenir leur renvoi, alors que des fois, tu es obligé de te les coltiner pendant tout le reste du spectacle, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Non, il y avait aussi une anecdote avec un pote à moi qui est Guillaume Meurice. On a commencé dans les cabarets. Et il y a un soir où je me suis pris un énorme bide. Et lui, derrière, il passe et je lui dis bon courage et tout, ça va être un enfer. Je pense qu'ils n'ont pas envie de rire. Les gens, je pense qu'ils ont pas eu, ils n'avaient pas envie de venir ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et Guillaume, il passe et il se prend aussi un énorme bide. Donc on en rit derrière, on en rit. Et il y a un artiste qui arrive et qui nous regarde et il nous fait: Ah, vous allez voir, les petits jeunes, je vais m'en occuper, moi, je vais les faire marrer, tout ça. Oh Et là donc nous, là. on reste derrière le micro et là, il se prend un énorme bide. Et donc nous, on était morts de rire, morts de rire, morts de rire. Et puis il nous regarde et puis il nous fait: Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu durs, ce soir. C'est génial ça. Ah, j'aime ça moi quand tu vois des mecs comme ça dans les loges qui te prennent de haut en mode moi je vais cartonner, je suis meilleur que toi, tu vois, voilà, et qu'après tu le vois sur scène bider et mourir lentement. Je crois qu'il n'y a pas meilleure sensation. Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir une standing ovation, tu vois, à la fin de ton spectacle, ou de voir ce mec-là bider, tu vois. Je ne sais pas. Ah, bon, en tout cas, pour le coup, c'est les anecdotes. Ah ben Mais oui, c'est. totalement. Ben là, c'est là le mec. Alors je sais pas si lui, il l'assumera, tu vois, d'avoir bidé ou quoi. Mais sur le moment, il pouvait pas vous mentir parce que vous étiez là. C'est pas comme si vous étiez parti et qu'il était venu vous voir après en vous Ah disant, ah les gars, franchement, j'ai cartonné. Hein, vous avez été nuls ce soir, tu vois. ouais. Non, et puis après, c'est la réaction qui est drôle aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que finalement, ils sont pas faciles. Oui, donc il a un peu édulcoré son propos, quoi. Ouais. Finalement, voilà. Ouais. Et puis il a pas dit genre j'ai pas été bon ou quoi. Mais de toute façon, si tu vois que toi tu bides, Guillaume Meurice il bide, lui il bide, bon ben voilà quoi. Je veux dire, il y a un moment, et peut-être tout le monde est peut-être pas parfait et tout, mais quand même le public il était vraiment froid quoi. Mais bon, c'est drôle. Ah ben totalement. Moi c'est ça. Moi j'aime ce genre d'anecdote et tout où tu vois on partage un moment et là avec Guillaume Meurice, je suis sûr que quand vous vous voyez, ça peut vous arriver d'en reparler de ça Bien et sûr. ah oui voilà. Et le mec en question, bon sans le nommer bien sûr, mais le mec en question, est-ce qu'il a continué l'humour ou pas? Oui, je crois qu'il continue encore, mais c'est. Après, on est en bon terme avec lui, hein. D'accord. Mais Voilà, du c'était coup pas. son nom est devenu une private joke quoi. Ouais, un peu, ouais, on en reparle parce que c'était la. Pas forcément son nom, c'était la situation qui était drôle, quoi. Tout était marrant, quoi. Donc, Bah c'était. ouais, c'est il est arrivé en mode conquérant et il est reparti minable quoi. Ouais, c'est pas minable, je vais pas en dire ça parce qu'on s'entendait quand même bien. Mais c'était juste. Voilà, c'était genre, je vais quand même vous montrer qu'on peut les avoir, quoi. Mais finalement, non, Voilà. les gens, ils avaient juste pas envie de rire ce soir-là parce que, je sais pas, peut-être qu'ils étaient invités par des gens et qu'il n'y avait Ça pas grand peut monde être aussi. Enfin, n'importe quoi. Ça peut ouais. être l'assise qui est pas bonne, genre les sièges sont pas confortables. Ça peut être, je sais pas moi, des moucherons, tu sais, genre tu as des mouches qui volent dans la salle, du coup, tu sais, ils sont plus concentrés sur les mouches que sur le spectacle. Ça peut être la température, ça peut être tellement de choses. Ça peut être n'importe quoi. L'humour est une science inexacte. tu peux vraiment pas lutter et dire, ah bah attends, c'est normal, j'avais oublié tel bouton. Non, parce que des fois, tu as tous les boutons allumés et pourtant, ça prend pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, tu m'as rappelé un truc. C'est une anecdote, même pas d'humour, hein, mais c'est le même profil que le gars qui vous a dit je vais vous montrer les petits jeunes et qui après est revenu. Du coup, bon, j'ai dit minable, c'était peut-être un peu fort, mais genre vraiment la queue entre les jambes, un peu en mode ouais, ils sont un peu durs ce soir. Voilà, moi ce qui m'est arrivé, c'est je bossais à l'époque dans une usine. Voilà, j'étais à Clermont-Ferrand et je bossais là-bas et tout. Et il y avait un mec, il était sympa à la base, hein, franchement, il était cool, tu vois. Et moi j'étais l'intérimaire et l'intérimaire, on le prenait toujours de haut, machin. Lui, il était embauché, quoi. Voilà, il avait un CDI. Moi, j'étais juste en intérim, donc j'étais là des fois, j'étais pas là. Et puis après, ça s'est arrêté. Enfin, voilà, c'est l'offre et la demande, quoi. Voilà, j'étais sur ma machine tranquille. Et déjà, il m'avait fait le coup une fois. Il m'avait dit, viens, tu veux tester ma machine à moi? Je dis, bah vas-y, parce qu'en fait, chaque machine faisait un truc différent. Et je vais sur sa machine à lui, et j'ai pas les gestes précis, parce que forcément, c'est la première fois de ma vie que je touche à sa machine. Ma machine à moi, je la maîtrisais, mais la sienne, non. Et après, il me fait, vas-y, enlève-toi, t'es nul. Et je lui dis, mais t'es sérieux là? Je lui dis, excuse-moi, mais tu sais, je lui ai sorti la phrase qu'il y avait dans Taxi, là, t'es comme ça avec tout le monde ou c'est juste pour moi, pour me faire plaisir, tu vois? Je viens de commencer, laisse-moi le temps. Et bref, donc déjà, j'avais cette dent-là contre lui parce qu'il m'avait, en gros, il m'a dit, viens essayer la machine et après, il me reprochait de ne pas être pro. Excuse-moi, mais du haut de mes 4,5 secondes d'expérience, je n'ai pas eu le temps encore de maîtriser, tu vois? Enfin bref, donc déjà, je le tenais, tu vois, il était dans ma ligne de mire. Et un jour, j'étais à ma machine et tout, et il y a eu une grosse fuite d'eau, mais genre une fuite d'eau bouillante. Tu voyais la fumée qui sortait de l'eau comme ça, tu vois. Donc moi, je commence à aller, j'enjambe un peu tout, j'y vais tranquille pour accéder à la commande de fermeture et je ferme l'eau, tu vois, normal. Sauf que le mec, il m'a vu, et monsieur meilleur que tout le monde, il m'a fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'il y a l'eau qui coule et tout? Vas-y, enlève-toi et tout !» Et il a voulu y aller, il y allait en mode conquérant, en mode « Moi, je vais pas bider, tu vois. » Et il a foncé tout droit, il s'est pris le jet d'eau dans la gueule et il a pris un jet d'eau bouillante. Et je te jure, il est… Il, mais tu sais quoi? Mais j'étais mort de rire parce qu'il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, tu vois. Et après, du coup, quand il s'est bien ébouillanté la gueule, il est parti et je l'ai entendu crier, hein, vraiment, il s'est ébouillanté la gueule. J'y suis allé tranquille. Moi, j'étais en mode, tu sais, mission impossible, tu sais, quand il évite les lasers et tout, tu vois. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai évité tous les jets d'eau et puis après, je suis parti fermer tranquillement en toute sécurité et bien au sec, tu vois. Et donc, de le voir, lui, ébouillanté, et voilà, genre en mode, je croyais que j'étais le meilleur, et finalement, je me suis bien planté. Tu vois, ça me rappelle un peu ton histoire, quoi. Ouais, c'est juste dingue, quoi. Bah ouais, non, mais attends, c'est… Enfin, de toute façon, faut pas prendre les gens de haut. Déjà, faut pas prendre les gens de haut. Allez, on va même dire, pour moi, t'es un artiste excellent, ton talent est indéniable et tout. Et ben, à ce moment-là, si tu sais que tu vas pas bider et que les deux autres avant toi ont bidé, tu les toises pas comme il l'a fait. Tu les regardes, tu fais bon, bah les gars, ok, allez, souhaitez-moi bonne chance, et puis hop, tu montes. C'est tout. Ou même tu dis rien, tu montes. Restez et tu humble. Voilà, reste humble. Ça me rappelle un peu la fameuse phrase, travaillez en silence et la réussite se chargera de faire du bruit. Pour moi, c'est ça. C'est monte sur scène, fais pas le mec conquérant et tout. Monte sur scène, donne tout ce que tu as. Si tu réussis à retourner la salle, et ben, les collègues, ils vont te dire respect. Mais pas la peine de dire, les gars, vous allez voir, regardez ce que c'est qu'un vrai pro, tu vois, ou un truc comme ça, pas la peine. Ouais. Et donc, toi, du coup, après, t'en as vécu encore des moments comme ça où vraiment tout le monde est tombé, tu vois, comme les soldats au combat, les uns après les autres? Bah ouais, ça c'est arrivé plein de fois, des plateaux, des choses comme ça. C'est vrai que c'est souvent quand on est parfois plusieurs humoristes. Après, parfois, il y en a qui peuvent cartonner plus que d'autres, etc. Mais aussi, parfois, ça peut être aussi hyper dur, quoi. Mais parce que, comme tous les humoristes, il y a eu des salles parfois où il y avait très peu de gens, effectivement 4 ou 5 personnes. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile, effectivement. Mais parfois aussi, ce qui est fou, c'est que, ça tu le sais bien, c'est que parfois 5 personnes, ça peut plus cartonner parfois que 45, que 100. C'est très bizarre, quoi. Il n'y a vraiment pas de règle. Totalement. Tu peux jouer devant une salle, tu vois, tu peux retourner une salle où tu as genre 10, 15, 20 personnes, tu vois, et le lendemain, tu joues devant 400, 500, voire plus, et puis après, bon, bah voilà quoi, ça prend pas, tu sais pas pourquoi. Des fois, la salle est trop grande, je sais pas, ils sont concentrés sur autre chose. Vraiment, il y a de tout, quoi. Tous les cas de figure sont possibles, mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de la scène, parce qu'au final, si on avait tous la formule magique, il y en aurait forcément qui diraient, attends, moi je peux pas réussir parce qu'il me manque ça. Mais là, ouais, on sait que chacun d'entre nous, connu, pas connu, expérimenté, pas expérimenté, on peut cartonner comme on peut bider. On est tous assujettis à ça, tu vois. Donc, ouais, c'est ça qui fait la beauté du métier. Sinon, il y en a qui se lanceraient jamais parce qu'ils diraient telle étape dans le processus, telle partie de la formule secrète, enfin, du coup, qui serait pas secrète, quoi, telle partie de la formule. Je ne l'ai pas, donc c'est même pas la peine d'essayer, il me manque un truc. C'est comme si tu veux faire de la mécanique, mais t'as pas d'outils, quoi, tu vois. Là, l'avantage, c'est qu'on a tous les outils et on peut faire un joint de culasse à n'importe quel moment, en fait. Ouais, c'est ça. Eh oui, il n'y a pas de règle. Mais après, voilà, il y a tellement de circonstances, de le lieu, effectivement, l'humeur des gens. Après, ça peut aussi être beaucoup, on dit souvent que le public reflète ce que tu dégages sur scène aussi, quoi. Donc, parfois, il n'y a pas d'excuses. Et il y a aussi parfois, si tu es crevé, si tu es fatigué, etc., tu n'as plus de jus, ton spectacle, il peut aussi être un peu plus mou et les gens vont être plus mous. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de règles, effectivement. Oui, bah totalement. Après, on essaye toujours de se dire ça, tu vois, on essaie toujours de se dire que il faut absolument donner le max d'énergie, même si les gens sont pas là. Tu donnes le, enfin, même si les gens sont pas avec toi vraiment dans le spectacle, tu donnes le maximum d'énergie pour qu'ils puissent monter dans le train avec toi au cours du chemin, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça nous est tous arrivé, surtout dans les débuts, quand tu sens que le public est pas avec toi, tu perds en énergie et là c'est complètement, tu peux oublier la soirée parce que du coup, si quand t'étais à fond, enfin à fond, si t'étais quand t'étais à un niveau d'énergie correct, ils te suivaient pas, alors avec la moitié en moins, ça marchera jamais, quoi. Et Tout oui, à et puis fait. toi en plus, comme tu es dans les imitations, tes imitations sont plutôt intenses et tout. Donc j'imagine que de l'énergie, tu dois en mettre encore plus que quelqu'un qui fait du stand-up classique. Donc ouais, l'énergie, je pense que c'est la clé déjà. Je pense que c'est ouais, une grosse partie de l'équation de l'humour. L'énergie que toi, tu vas mettre après dans chaque personnage. Parce qu'évidemment, tout le monde ne met pas la même énergie. Tu imites des gens différents, donc des énergies différentes. Mais c'est vrai que l'énergie, ça doit être vraiment le truc primordial. Aujourd'hui, je suis sûr qu'avec l'expérience et tout, tu mets la même énergie que le public soit avec toi ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'après, il y a dans le spectacle, enfin, il y a vraiment des personnages effectivement qui sont plus énergiques que je vais placer par exemple au début du spectacle pour que ce soit vraiment d'un coup. Je vais pas mettre une personne qui est molle dès le début du spectacle, quoi. Faut d'un coup que ce soit que ça parte fort, quoi. Donc, on va mettre des personnes qui ont l'habitude d'avoir du contact au public, comme Hanouna, petite beauté, c'est magnifique. Que j'adore, où il va aller voir les gens dans le public. C'est sûr, c'est plus facile. Ah, bah oui, c'est comme nous quand on arrange nos sketchs, on se dit ça, peut-être c'est un peu plus bas, donc je vais le mettre au milieu, comme ça je laisse les trucs forts au début et à la fin et tout machin. Nous on fait un peu notre marché comme ça. Toi tu dois être en mode ouais, telle imitation, ce sera beaucoup plus percutant de la mettre après telle personne, parce que des fois ouais, tu dois arranger aussi tes imitations en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que si une personnalité a eu une histoire avec telle autre personnalité, que tu les enchaînes tous les deux, ça fera rire le public si c'est dans l'actu, quoi. Ouais, bien sûr, c'est toujours payant l'actu, que ce soit au niveau des textes, au niveau des personnages, effectivement. Je me souviens, j'avais quand Julien Lepers s'est fait virer sur France 2, j'étais à Cigale et donc tout le monde parlait de Julien Lepers. Et vu que c'était un événement, j'étais à Cigale et on l'a appelé et on lui a dit est-ce que tu peux venir sur scène, je t'imite, etc. Il dit ah oui, Marc-Antoine, ah oui, Marc-Antoine, bien sûr que tu m'imites, mais oui, c'est super. Et donc, on lui dit, est-ce que tu veux venir sur scène pour ce soir? Ça sera vraiment cool. Mais bien sûr que je suis là. C'est où? C'est à quelle heure? Donne-moi l'adresse, tout ça, je serai là. Tout ça. Et il est monté sur scène à la fin, c'était génial. C'était un truc juste complètement lunaire. Parce qu'en fait, il y a eu deux choses. Il y avait vraiment la première, c'est que les gens, tout le monde parlait de Julien Lepers. C'était dans les médias. Il dit, ah, Julien Lepers s'est fait virer, etc. Tous les médias en parlaient. Donc, les gens, ils avaient ça en tête. Et mon imitation, elle marchait encore plus à ce moment-là parce qu'on en parlait. Et derrière, il arrive sur scène et il m'imite et tout, c'était génial. Donc là, Ah, c'était vraiment dans l'actu super. et avec un personnage, donc c'était forcément hyper fort, quoi. Mais il a l'air, franchement, alors tu vois, il y a des personnes, des fois on peut se tromper, on peut se dire il a l'air sympa et finalement c'est quelqu'un de très très dur et tout. Mais Julien Lepers, il a l'air tellement gentil et là tu me confirmes qu'il l'est, quoi. Oui, moi après, il était hyper sympa et hyper disponible. Ah, moi, de toute façon, Julien Lepers, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu vois, depuis que je l'ai vu dans le premier Batman et je l'ai revu l'autre jour avec mes enfants, j'avais l'impression que c'était lui, c'était trop marrant, je te jure. T'imagines Batman, genre, juste au moment d'attaquer les méchants, qui leur fait « Alors, top, je suis », tu vois, voilà. Enfin, ce serait vraiment un truc. Bon, tu me diras, là, aujourd'hui, je sais même pas si les gens ils se souviennent vraiment du premier Batman. Hein, là, c'est un vieux là qui te parle. Parce qu'on est, je pense que tu dois être plus jeune que moi, peut-être. Tu as quel âge, dis-moi? J'ai 35. Ah, d'accord, j'ai 38, moi, c'est pour ça. Oh, Et ça va, oui. ça va. Non, ça Ça va, on est de va. la même 3 ans. génération. Ouais, 3 ans, ça compte Ouais, pas, ça. Club Dorothée, tout ça, ouais. Voilà. Ouais, moi j'étais D'accord. limite Club Dorothée, hein. Je suis vraiment passé, tu vois, sur les 3 ans, J'étais à la fin, moi, du club Dorothée. Oui, donc, oui, j'ai eu bah un peu, mais pas complètement. Ah, ça s'est arrêté parce que, enfin, il y a eu Dragon Ball Z et tout machin avec Ségolène Royal qui disait que c'était trop violent. Ah ouais. Ouais. Ouais. Bah, c'est sûr que quand on regarde la télé d'aujourd'hui, hein, on comprend que vraiment c'était trop violent. Et dans tes imitations, est-ce que tu as eu, genre par exemple, tu as dû avoir des surprises, par exemple, quelqu'un qui est venu, tu savais pas qu'il serait là et tu l'imites et du coup il vient et te surprend, enfin. Ça m'est arrivé bah, en chronique, après, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir d'imiter des gens face à eux. Après, en spectacle, j'ai eu des personnes qui sont venues que j'imitais. Je pense à comme ça à Drucker, bien sûr, Ruquier. Il y en a d'autres, mais je ne les ai plus en tête. Et c'est vrai que c'est toujours un peu déstabilisant parce qu'on est là, ah bah tiens, quand je vais l'imiter, et puis les gens parfois le voient, la personne aussi, arriver dans la salle. Donc, du coup, attendre ce moment-là aussi. Donc, c'est toujours un peu particulier, mais du coup, c'est encore mieux, quoi, parce que du coup, il se passe un truc, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est la question qu'on doit te poser souvent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as imité, machin, et qui te dit vraiment, je ne me reconnais absolument pas là-dedans et je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, tout ça, enfin, qui a mal pris finalement ton imitation, quoi, non ? Si, il y en a qui ont mal pris l'imitation, mais après, voilà, c'est pas. Je m'en fous un peu, en fait. Mais oui, ça m'est arrivé, effectivement. Ils ne me l'ont jamais dit, par contre. Je l'ai su par d'autres personnes ou d'autres. Ah. D'accord. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Après, on n'est pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein, comme on dit. Donc, j'ai pas de regrets là-dessus, quoi. J'ai pas que des complexes là-dessus. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, donc pour finir, déjà merci beaucoup. C'est vraiment super d'avoir pu discuter avec toi. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour finir qui, tu vois, que tu rêvais d'imiter, que t'avais vraiment, t'as galéré à l'avoir et au final t'as quand même réussi, mais c'est-à-dire que ça t'a demandé beaucoup plus de travail que les autres voix. Nagui, j'ai vachement galéré au départ pour l'imiter. Et ensuite, j'ai trouvé finalement après l'astuce. C'est vrai qu'on me disait que c'était un mélange de Domenech. Au départ, je cassais ma voix, comme il y a une voix un peu enrouée. Et en fait, on m'a dit, c'est finalement, il faut prendre Domenech. Domenech qui a une voix un peu rauque aussi, un peu raillée. Uh-huh. Et c'est vrai qu'en prenant la voix de Domenech, si on accélère et qu'on montre un peu dans les aigus et dans la voix de tête, on arrive à Nagui. Ciao, ciao, ciao. Ah, c'est génial, c'est beau ça quand même d'avoir cette capacité de se dire ah bah attends, pour arriver à telle voix je vais prendre la voix de tel mec, je vais la modifier un petit peu et tout. Ah, c'est super. Et donc c'est comme ça, ouais, c'est comme ça que t'as réussi à l'avoir. Ben, franchement bravo en tout cas. Ouais, tu les tiens autant l'un que l'autre, et vraiment voilà, tes imitations, bon, de toute façon je pense que j'ai pas besoin de te dire que tes imitations sont excellentes, hein, je pense que les gens te le disent bien assez. Et vraiment c'était un honneur et un plaisir de te recevoir dans le podcast. Merci à toi. Ben, franchement merci, hein, ça faisait très longtemps que je voulais te proposer ça. Merci d'avoir accepté et merci d'avoir partagé ça avec nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Instagram, Twitter. Ouais. Et puis le podcast aussi, RFM. Tous les matins sur RFM à 8h15 en direct. D'accord. Et en podcast partout sur tous les supports de téléchargement. Et puis en spectacle aussi, quand ça va reprendre bientôt. Là, le podcast sortira normalement après la rentrée. Là, donc logiquement, on sera déjà sur scène. Donc c'est bon, les gens pourront voir tes dates sur les réseaux sociaux. Ok, super. Voilà. Bon ben super, merci beaucoup Marc-Antoine. Et merci à toi. Bah avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.